listening to Overdrive on Radio Dio. Thank you. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, le groupe Winery Dogs et son morceau titre Hot Streak, paru sur l'album du même nom. 2015, le groupe nous revient presque 8 ans plus tard avec son troisième album appelé Free. Vraiment toujours un power trio d'exception comme vous l'avez entendu ici. Mike Portnoy, bien entendu, Sons of Apollo, de nombreux groupes, Dream Theater, bien entendu, et Neil Morse Transatlantique, pour ne citer que quelques groupes auxquels il a participé. Un autre staccanoviste, cette fois à la basse, il s'agira de Billy Sheehan, connu bien entendu pour son travail avec le David Lee Roth Band et bien entendu Mr. Big. Il accompagne également Portnoy au sein de Sons of Apollo, qui est dans une veine un peu plus métal progressif. Et puis, aux guitares et à la voix, ce sera le virtuose Richie Kotzen, que l'on a vu ces dernières années dans un side project avec rien d'autre que Adrian Smith, Dion Maiden. Ce soir, dans Overdrive, encore une fois, de la bonne musique avec de la musique qui pulse, bien entendu, et le dernier album de Steel Panther, ça s'appelle On the Prowl. Le groupe est toujours aussi potache dans les thèmes qu'il aborde et sa musique fleure bon le hard rock de Rat et autres Dokken des années 80. On s'envoie ça tout de suite, On the Prowl par Steel Panther. You get $35. I get to slap you with my check. You get Yes, Steel Panther, Friends with Benefits, extrait de cet album On the Prowl dans Overdrive. Voilà qui met de bonne humeur pour le week-end. Avatar, maintenant, avec son dernier album Dance Devil Dance, pour ce groupe suédois qui a cassé quand même pas mal la baraque ces dernières années. Et on s'écoute tout de suite le morceau Valley of Disease. Vous écoutez toujours Overdrive. Radio Duo Avatar. Yes, vous venez d'entendre le groupe Avatar avec ce morceau Valley of Disease sur son album Dance Devil Dance. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours envie de dire Dance Lori Dance pour en référence au groupe canadien de hard rock. On continue avec ce nouveau projet All My Shadows. On retrouve pas mal de musiciens du groupe Vandenplas de metal progressif qui nous sortent un metal un peu plus traditionnel ici. All My Shadows sur cet album Eerie Monsters, ça voit le jour sur Frontiers Records. Et c'est du metal assez classique. Et on retrouve bien entendu la guitare Stephen Lille, le batteur son frère Anders Lille et le chanteur Andy Kuntz, tous les trois musiciens de Vandenplas. On s'envoie ça tout de suite, là aussi, pour une petite dose de métal mélodique super cool. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duel. Yes, ça fait vraiment penser aux côtés les plus soft, les plus directs, certainement de Vandenplas avec ce All My Shadows, sur lequel on retrouve trois musiciens du groupe de metal progressif allemand. All My Shadows, maintenant on va passer à du français avec Clone et son dernier album. Excellent dernier album, Meanwhile. Clone qui jouera en première partie de Devin Townsend. Ce sera à la coopérative de mai de Clermont-Ferrand le 22 mars pour la date plus proche de chez nous. Ce qui fait quand même quelque chose d'assez proche tout de même. Et on va se passer un extrait déjà de Clone, avant peut-être de passer à quelque chose fait par Devin. Voilà, donc le 22 mars prochain, c'est un mercredi soir, du côté de la coopérative de mai de Clermont-Ferrand, vous aurez Devin Townsend et Clone. We'll be right back. Yes, Clone Bystander, extrait de cet album Meanwhile qui a vu le jour sur Cascop. On continue, Devin Townsend, maintenant on rappelle Clone plus Devin Townsend, ce sera le 22 mars prochain, mercredi 22 mars prochain, du côté de la coopérative de mai de Clermont-Ferrand. Et on passe à Lightwork, dernier album de Devin qui se veut peut-être un poil plus... on va dire facile d'accès que l'album précédent Unperf qui était pourtant très très bon, Lightworker maintenant. Yes, excellent que ce Devin Townsend avec Light Worker. Tout de suite, vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Il est 22h passées de 7 minutes. Et on va continuer avec quelque chose qui fait plaisir quand on fait un peu de radio, bah c'est de recevoir un petit coucou, alors parfois personnalisé, d'autres fois un peu plus standard, de la part de musiciens qui nous font des petits jingles qui nous sont envoyés dans notre boîte mail, voilà, sans qu'on demande rien. C'est déjà arrivé avec des musiciens tels que Jeff Waters et puis pas mal d'autres groupes qui ont servi à faire des petits jingles pour la radio. Et cette fois, ce sera autour du guitariste Anders de Catatonia pour célébrer la sortie de son dernier album Sky Void of Stars sur Napalm Records, un album qui fait vraiment bien parler de lui et qui a tout à fait mérité, puisque l'album est tout simplement excellent. Et on va s'envoyer ça tout de suite avec le petit indicatif de Catatonia, suivi ensuite du morceau Catatonia. Encore une fois, vous écoutez Overdrive Radio Duo. On a encore pas mal de bonnes choses à diffuser ce soir, donc restez bien derrière votre rocking chair avec une petite boisson houblonnée pour vous rafraîchir, ou alors tout simplement un thé si vous voulez vous réchauffer. Voilà, je meuble un petit peu parce qu'il faut que je lance la platine, mais ça devrait démarrer très rapidement. Hi, this is Anders from Catatonia and you're listening to our new single, Birds. We'll be right back. Yes, Catatonia avec Pearls. Tout de suite, on va continuer dans le progressif avec cette fois un groupe instrumental de musique à la fois lourde et onirique par le groupe Stomb, extrait de cet album Massive Disturb Meta Art. Voilà pour un titre un petit peu long, un petit peu lourd, mais qui révèle une excellente musique, encore une fois signée sur la Clonosphère. On envoie tout de suite le morceau, bien entendu. Les morceaux sont quand même assez souvent longs, mais bien réalisés. Sidereal Lucid Dreamer, tout un programme dans Overdrive Radio Dio maintenant. Voilà pour le groupe Stomp avec cet album Massive Disturbed Meta Heart sorti sur la Clonosphère. Les amateurs de métal progressif, de métal instrumental, de côté un petit peu post-rock, etc. seront à mon sens aux anges. On continue avec un gros retour, ça sort aujourd'hui même du côté de Verichords, Sortilège avec son dernier album Apocalypso, dernier album de musique originale, puisqu'il y a de ça un an et demi, ils nous avaient sorti l'album Phoenix, sur lequel ils avaient réenregistré beaucoup de leurs classiques des années 80 avec le line-up et bien sûr une production moderne. Là, ils nous signent deux nouvelles compositions. Donc, on rappelle qu'on a un guitariste de Manigance, un guitariste de Satan Jokers et la section rythmique de Zool FX. Donc, une équipe assez moderne, Zool au chant, bien entendu. Et même si le groupe forcément ne fait plus la même musique que dans les années 80, on se retrouve avec un penchant assez moderne et puis des paroles telles qu'il le faisait un petit peu dans les années 80, pas mal de morceaux sur, bien entendu, inspirés de la mythologie et peut-être une voix un peu moins haut, mais qui a une certaine gueule tout de même. Et voilà, on en retrouve des morceaux sur lesquels les guitares sont plus sous-accordées que ce qu'elles ont pu être dans le passé, ce qui peut donner un côté un peu différent, un peu plus lourd également, et donner un côté assez moderne à la prod. Faites-vous votre propre avis, encore une fois, sur ce Apocalypso de Sortilège. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Dio, il est 22h, passé de 25 minutes. Yeah. pour Sortilège, album événement, et ce morceau Attila, sorti sur Apocalypso, paru sur Vericord, ça sort ce jour même. On continue avec une petite vieillerie de temps en temps. Voilà, j'ai dépoussiéré un vieux disque avec Europe et ce Out of This World, paru en 1988, premier album sur lequel on ne retrouvait plus John Norum, mais le guitariste Marcello qui l'année dernière avait fondé un nouveau projet musical qui portait le nom de cet album. Et bon, on s'envoie un petit titre qui n'est pas le plus connu sur cet album, mais qui fait bien le taf avec Ready or Not. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo, il est 22h passé 30 minutes maintenant. Ready or not? Ready or not, but I waste no time. I'm heading out with some friends of mine. Holding on to what we've got, oh, even if we're ready or not. Ready or not, but they're back in town. The word is out that this time around they're letting go with all they've got. Rock me till I hit that floor. Rock me till I take no more. I'll rock this hungry heart of mine. Rock me down right to the ground. Rock me like you never done before. Then rock me just a little. Et on enchaîne avec le groupe parodique Nanowar of Steel et ce Winter Storm in the Night. Dans Overdrive, il est temps de passer aux terres du metal quasi extrême avec Athena, sorti sur Indie Recordings, le label norvégien, et Suburban Anthem. Tout de suite, vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Stuck in a cellar, we'll be right back. We'll be right back. Vous venez d'entendre le groupe Honor avec The Rhinus, tout de suite sorti sur Frontier, sur Century Media. On continue avec du doom metal maintenant. Isol, un groupe que j'avais il y a quelques années vraiment beaucoup aimé, ça sort sur Hammer Heart Records la semaine prochaine, le 10 mars, Annecy. On va s'écouter et découvrir ça ensemble. À mon avis, ça devrait être une petite bombinette de métal épique et doomy lent à souhait. On s'écoute Iso, retenez bien ce nom, c'est de l'excellente qualité. You gave your heart to me. Et maintenant, on va terminer Overdrive ce soir avec le dernier album, là aussi, une grosse sortie, le dernier album du groupe Enslaved Heimdall. Ça voit le jour aujourd'hui même du côté de Nuclear Blast pour les amateurs de métal extrême et de, bien entendu, musique nordique. Voilà, on rappelle le www.radiodio.org. On rappelle également le facebook.com/overdrive radio duo pour toutes les nouvelles concernant Overdrive en particulier et les podcasts. On se dit à la semaine prochaine. Merci. Ciao. Bye bye.